Ce soir-là, Monsieur X avait un air grave. Et en lui serrant la main, j'ai tout de suite pensé que les souvenirs qu'il avait décidé de me confier seraient douloureux pour lui, très douloureux. À plusieurs reprises déjà, j'ai pu constater que ce personnage de l'ombre ne correspondait pas à l'image traditionnelle qu'on se fait des hommes des services de renseignement, des êtres froids, sans scrupules, cyniques. Je me souvenais encore de son émotion quand il m'avait parlé en particulier des événements de 1940 et de la trahison qui, selon lui, était à l'origine de la défaite française. Oui, Monsieur X est un être de chair et de sang comme vous, comme moi, et son sens de la justice, sa conception de l'amitié, font qu'il est encore capable de s'indigner des décennies après les faits qu'il me raconte. Alors c'est fait. Monsieur X voulait me parler d'un réseau de résistance, le réseau Prosper, un réseau du fameux SOE, le Special Operation Executive, c'est-à-dire l'organisme secret anglais chargé de diriger la lutte clandestine sur le sol de l'Europe occupée, avec comme directive le célèbre slogan de Churchill « Et maintenant, mettez le feu à l'Europe ». Le réseau Prosper était en 1943 l'un des réseaux les plus importants en France puisqu'il couvrait une bonne moitié du pays et regroupait des centaines de résistants. Malheureusement, tous ou presque ont été démasqués, arrêtés, torturés, déportés, et la plupart ont péri dans des camps allemands. Pourquoi et dans quelles conditions ce réseau est-il tombé? Y a-t-il eu trahison? Oui, à l'évidence. Mais pour Monsieur X, au-delà de cette simple explication, il y a autre chose, une vérité assez incroyable et pour tout dire effrayante. Nous allons y revenir avec mon interlocuteur, mais avant d'écouter cet enregistrement, je voudrais vous donner quelques éléments d'information sur ce réseau Prosper. Et d'abord, pourquoi Prosper? Prosper, c'était le surnom d'un major anglais, Francis Alfred Sutil. Né à Lille, de père anglais et de mère française, Sutil connaissait parfaitement notre langue. Avoué dans le civil, il s'était engagé dès le début de la guerre et il avait été affecté en 1941 à la section française du SOE. Là, il avait subi un sévère entraînement de plusieurs mois avant d'être parachuté en Touraine en 1942 et de retrouver un petit groupe d'agents du SOE, et en particulier un jeune et courageux lieutenant français, Pierre Cuglioli. En quelques mois, Sutil, alias Prosper, va réussir à créer 60 branches de son réseau, voyageant sans cesse sous une fausse identité d'Orléans à Saint-Quentin, en passant par Angers, Bourges, Troyes, Chalon-sur-Marne. Mais c'est surtout en Sologne que le réseau Prosper s'est montré le plus actif. Dans cette région propice à la lutte clandestine, les agents du major Sutil ont mis en place toute une organisation destinée à recevoir les parachutages anglais. Ils ont créé aussi des terrains d'aviation clandestins pour la réception ou l'évacuation des engins. Enfin, et surtout, en rayonnant à partir de la Sologne, ils ont commis des dizaines de sabotages contre les installations industrielles contrôlées par les Allemands, à Blois, à Orléans, à Tours et jusque dans la région parisienne. Parmi les nombreux exploits de ce réseau, il faut mentionner en particulier le dynamitage d'un train qui a explosé en gare de Caen devant un hangar bourré de munitions et de matériel militaire. À noter qu'un des jeunes résistants de Prosper s'appelait Gérard Houry. Lui, heureusement, a survécu. Sutil avait donc fait un excellent travail. Mais en grossissant, son organisation devenait aussi de plus en plus difficile à contrôler. La sécurité, l'indispensable cloisonnement y perdait en efficacité et par là même, la pénétration du réseau était possible et donc son démantèlement. Et c'est ce qui s'est passé. Mais le plus étrange dans cette affaire, c'est que Londres, constamment informée, ne pouvait ignorer ce danger et qu'apparemment Londres a laissé faire, condamnant ainsi ce réseau à la destruction et ses membres à la mort. Monsieur X va nous expliquer pourquoi. Thank you. de velours. Ils volent l'amour. C'est un chat. Il aime les lumières de la nuit. Le matou. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Une question d'abord. Avez-vous connu personnellement des gens du réseau Prospère ? Quelques-uns, oui. À l'occasion d'une mission en France. Des hommes et des femmes admirables, d'un courage exemplaire. Et puis j'en ai rencontré aussi en Angleterre, parmi ceux très rares qui ont réussi à s'en sortir. C'est de l'un d'eux que je veux vous parler, un type étonnant. Et qui a joué un grand rôle dans cette histoire. Il s'appelait Henri d'Héricourt. Qui s'appelait ? Il est mort ? Oui, une mort qui lui ressemble. Au cours d'un accident d'avion au Laos, dans des circonstances pas très claires. Quand vous dites que cette mort lui ressemble, ça veut dire que ce type n'était donc pas très clair lui-même ? Non, en tout cas, il avait le chic pour cultiver le mystère. Alors, allons-y, qui était-il ? C'était un aviateur. D'Héricourt avait commencé comme pilote d'exhibition. Puis il avait été engagé par la toute nouvelle compagnie Air France, où il assurait la ligne Paris-Berlin. C'était un très bon pilote, un sang-froid impeccable, beaucoup d'intelligence aussi, et puis du charme. Peut-être, mais pour l'instant, je vois là rien de mystérieux. Non, attendez, j'y viens. À la déclaration de guerre en 1939, d'Héricourt est pilote dans l'aviation française. Il est basé en Syrie, mais bientôt les Anglais entrent en Syrie. Mmh. D'Héricourt travaille pour une compagnie aérienne britannique. Toutefois, en 1942, je crois, il revient à Paris. Il se marie, installe sa femme dans un très bel appartement et il passe en Angleterre. Pour combattre ? Pour combattre, oui. Et vous pensez bien qu'on ne refuse pas la candidature d'un pilote aussi expérimenté que d'Héricourt. Seulement, avant de l'engager, on s'informe. On lui pose des questions. Qui, ce on-là ? Qui l'interroge ? Le contre-espionnage anglais. C'est donc qu'on se méfiait de lui ? Oui. Et c'est un des premiers mystères d'Héricourt, car le pilote français n'était pas un inconnu pour les services. On savait qu'il avait été en contact avant-guerre avec un réseau d'espionnage. Quel réseau ? Second mystère. Je pense que vous avez quand même une idée. Oui, mais n'allons pas trop vite, car il se passe quelque chose de très étrange. L'enquêteur du contre-espionnage, qui connaît le dossier d'Héricourt, l'interroge donc. « Avez-vous déjà été en contact avec un service de renseignement étranger ?»« Moi ? Jamais. » D'Héricourt ment. Et il ment avec un bel aplomb, comme tout ce qu'il fait d'ailleurs. Ouais. Donc s'il ment, c'est qu'il a quelque chose de grave à cacher. On peut le penser, en tout cas. Ouais. Donc on ne l'engage pas. Détrompez-vous, c'est le contraire qui se passe, car un homme intervient. Un certain major Boddington, l'adjoint du colonel Buckmaster, le chef pour la France du SOE, le Special Operation Executive. Et ce Boddington vient d'affirmer solennellement qu'il connaît d'Héricourt depuis longtemps et qu'il lui porte une haute estime. Concluez par vous-même. Bah oui, donc d'Héricourt était un homme des services anglais, c'est ça ? Ça y ressemblait, non ? Ouais. Ouais, mais il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. D'Héricourt est un agent des Anglais, pourquoi l'interroge-t-il ? Ça me semble absurde, non ? Mais non, parce qu'il y a plusieurs services. D'un côté, comme chez nous d'ailleurs, il y a le contre-espionnage, le MI5, et de l'autre, il y a le MI6, l'intelligence service, si vous voulez. Et donc, Déricourt penchait plutôt de ce côté-là ? Oui, oui, mais attendez, vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. Déricourt est donc engagé par la section française du SOE, dirigé par le colonel Buckmaster. Et aussitôt, étant donné son expérience d'aviateur, il est envoyé en France avec mission d'organiser, pour le réseau Prosper, les liaisons aériennes entre les résistants et Londres. Ça veut dire qu'il a été chargé de trouver des terrains d'atterrissage, les organiser. Oui, oui, oui, mais alors des terrains clandestins qu'il fallait baliser. Bah, les vols, naturellement, se faisaient toujours la nuit. Vous savez comment on les appelait, ces vols ? Non. Les escadrilles de la Lune. C'est joli, ça. Oui. Dangereux, car il fallait faire vite pour échapper aux Allemands. Dès que l'avion était posé, Déricourt et ses hommes réceptionnaient passagers et matériel, faisaient éventuellement monter des agents qui rentraient à Londres. Et aussitôt, l'avion redécollait pendant qu'on effaçait toute trace de son passage. Et tout ça sous l'entière responsabilité de Déricourt. Un homme en qui les Anglais avaient donc toute confiance, vous en conviendrez. Ça, je suis d'accord, oui. Mais alors, où est la faille Il y en a une, bien sûr. Oui, oui, et même une sacrée faille. Quelques jours seulement après son arrivée, Henri Déricourt dîne à Paris avec un nommé Hans Bömmelburg. Oui. Un officier supérieur du sinistre SD allemand, c'est-à-dire le service de renseignement des SS. Ce n'est pas tout. Car Déricourt, qui s'est installé dans le 16e arrondissement de Paris, a un voisin. Son plus proche voisin, un type qui s'appelle Hugo Blecher et qui est le plus célèbre chasseur de résistants au sein de l'Abwehr. Et je suis sûr que ce curieux voisinage ne devait vraiment rien au hasard. Nous avions 20 ans, toi et moi, quand on a sous le même toit combattu la misère ensemble. Nous étions encore presque enfants et l'on disait en nous voyant: regardez comme ils se ressemblent. Nous avons la main dans la main surmonté les coups du destin et résolu bien des problèmes. De ventre vide en privation, tu te nourrissais d'illusions, il te suffisait que je t'aime. Nous avons lutté tant d'années que la fortune s'est donnée, mais là j'appris ton insouciance. Tu te traînes comme un fardeau et ne ris plus à tout propos et pleure ton adolescence. Et passe du matin au soir des heures devant ton miroir, essayant des fards et des crèmes. Et moi, je regrette parfois le temps où pour forger tes joies, il te suffisait que je t'aime. Si je le pouvais, mon amour, pour toi j'arrêterais le cours des heures qui vont et s'éteignent. Mais je ne peux rien y changer, car je suis comme toi logé, tu le sais, à la même enseigne. Ne cultive pas les regrets, car on ne récolte jamais que les sentiments que l'on sème. Fais comme au temps des années d'or, et souviens-toi qu'hier encore, il te suffisait que je t'aime. Pour moi rien n'a vraiment changé, je n'ai pas cessé de t'aimer, car tu as toujours tout le charme que tu avais ce jour béni, où devant Dieu tu as dit oui, avec des yeux baignés de larmes. Le printemps passe et puis l'été, mais l'automne a des joies cachées qu'il te faut découvrir toi-même. La cruauté du temps, et rappelle-toi qu'à 20 ans, il te suffisait que je t'aime. Avant de poursuivre, un mot sur ce Blecher, dont M. X nous a dit qu'il était un des plus fameux chasseurs de résistants. J'ai trouvé des renseignements sur lui dans le livre de Cookridge, Mettez l'Europe à feu, un ouvrage paru chez Fayard et qui raconte l'histoire du SOE. Blecher, modeste sous-officier, a d'abord été affecté à un bureau de gendarmerie militaire à Cherbourg parce que sa mauvaise vue le rendait inapte au combat. Et c'est là, à Cherbourg, que cet homme intelligent qui parlait couramment le français se fit remarquer par les agents de l'amiral Canaris en démantelant un réseau auquel appartenait Mathilde Carré, qu'on connaît plutôt sous son pseudonyme, La Chatte. La Chatte qui, devenue la maîtresse de Blecher, a fini par trahir ses amis. Par la suite, Blecher, écrit Cookridge, est devenu le principal chasseur d'espions du contre-espionnage allemand. Je le cite. Sous de nombreux déguisements, s'appelant tour à tour M. Henri Castel, homme d'affaires belge, ou M. Jean, ou le colonel anti-nazi Henri de la Luftwaffe, il réussit à s'introduire dans les milieux de résistants français et belges, à détruire plusieurs réseaux du SOE et à capturer un grand nombre d'agents de cette organisation. Tel était donc le curieux voisin de Déricourt. Retrouvons M. X. Donc vous avez bien dit que ce n'était pas un hasard si Blecher était le voisin de Déricourt. Exactement, je vais même aller plus loin. Blecher et Déricourt savaient l'un et l'autre qui ils étaient en réalité. Ça veut dire là, que, enfin vous laissez entendre qu'ils étaient complices en quelque sorte. Ou partenaires, si vous voulez. Partenaire, j'avoue, je comprends de moins en moins. Oui, vous comprendrez quand je vous aurai expliqué ce qui se cachait derrière tout ça. Mais laissez-moi aller mon bonhomme de chemin. Une question quand même, parce que c'est important. Déricourt était-il un traître? Non, et je suis formel. Et croyez-moi, car cette affaire qui a vu mourir tant et tant de femmes et d'hommes formidables me tient particulièrement à cœur. Je ne me sens donc pas le droit de vous raconter des histoires, mais revenons à Déricourt et à son activité au sein du réseau Prosper. Au cours du printemps 43, il n'arrête pas. Les Lysander de la Royal Air Force livrent des quantités de matériel énormes, des mitrailleuses, des mitraillettes, des grenades, des explosifs. Mmh. Et les membres du réseau Prosper utilisent du mieux qu'ils le peuvent ces armes tombées du ciel. Sabotage, attentats se multiplient dans cette première moitié de l'année 43. Mais soudain, alerte, les premiers membres du réseau commencent à tomber. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on le sait maintenant, Hitler, exaspéré par cette recrudescence d'activité de la résistance française, décide de frapper un grand coup. C'est l'opération Donnard. Donnard, pour l'anecdote, c'est le dieu allemand du tonnerre. Et tous les services de police et de contre-espionnage allemands, Abwehr, SD, Gestapo, sont mobilisés pour la grande traque qui commence. Et c'est de Hollande que vient d'abord le danger. Et pourquoi la Hollande? Parce que là-bas, les nazis avaient réussi une jolie manipulation. Bon, je vous raconte de mémoire, l'année précédente, un Hollandais dont j'ai oublié le nom, un professeur, avait été envoyé dans son pays par le SOE afin de prendre la direction de l'armée secrète. Seulement, ce type s'est fait prendre. Aussitôt arrivé, lui et son opérateur radio, et ensuite tous les membres du réseau. Et les Allemands ont été assez astucieux pour faire croire à Londres que ces Hollandais étaient toujours en liberté et effectuaient normalement leurs tâches en utilisant, bien sûr, le poste de radio du professeur. Ouais, ça c'est classique, et les Anglais ont marché. Et pendant des mois et des mois, mais quand même, ils ont fini par avoir des doutes. Le professeur ne fichait pas grand-chose, si vous me passez l'expression, et Londres a demandé son retour. Ordre lui a donc été donné de passer par Paris, où les gens du réseau Prosper organiseraient son départ en avion. Et c'est là que les Allemands ont été une nouvelle fois très forts. Ils ont répondu à Londres que le professeur ne pouvait pas se déplacer, mais qu'il allait envoyer deux hommes, dont son adjoint, un capitaine, et ils ont tout simplement fabriqué deux faux agents hollandais, et ce sont ces deux bons hommes qui ont pris contact à Paris avec des hommes du réseau Prosper. Ça semble presque trop facile. Mais non, les Allemands avaient bien préparé leur coup. Et pour mettre en confiance les résistants français, ils ont même organisé la fausse arrestation d'un des deux Hollandais. Et voilà comment Prosper a d'abord été pénétré. Ensuite, il suffisait de dévider la pelote. Mmh. Et ce départ pour Londres, il a eu lieu? Non, il a été aisé aux faux Hollandais de prétendre qu'après l'arrestation de son camarade, son exfiltration pour l'Angleterre devenait dangereuse. Donc, le démantèlement du réseau Prosper commence par cette manipulation. Incontestablement. Et aussitôt, les arrestations commencent. Et les hommes de Prosper tombent les uns après les autres et quelques-uns parlent. Et Prosper lui-même? Il échappe provisoirement aux Allemands. Mais il sait bien qu'il y a des traîtres dans son organisation. Et l'homme qu'il soupçonne, c'est Déricourt. Et pourquoi? Parce que c'est Déricourt, l'homme des contacts aériens avec Londres, qui transmet aussi tout le courrier de l'organisation. Or, Prosper acquiert peu à peu la certitude que ce courrier, avant d'être acheminé vers l'Angleterre, est lu par les Allemands. C'est vrai, ça? Oui. Alors, Déricourt? Oui. Et vous m'avez dit tout à l'heure... Attends, je ne comprends plus, là. Vous m'avez dit tout à l'heure que ce n'était pas un traître. Exact. Alors, tirez vous-même la conclusion qui s'impose. Déricourt agissait sur ordre. Ça voulait dire qu'il trahissait sur ordre. Comme vous voudrez. Vous voulez une preuve supplémentaire ? Prosper, le major Sutil, fait le voyage de Londres. Il va voir ses chefs du SOE et il leur fait part de ses soupçons à propos de Déricourt. Eh bien, on ne l'écoute pas et on le renvoie pour son malheur en France. Alors maintenant, vous avez compris ? Pour Londres, ce que faisait Déricourt était plus important que la sécurité du réseau Prosper, plus important même que la vie des gens du réseau Prosper. Retrouvons Patrick Pénaud pour Rendez-vous avec X sur France Inter. Avant de poursuivre la diffusion de ma conversation avec Monsieur X, je voudrais vous lire un extrait d'un livre de Michael Foote, qui a été l'historien officiel du SOE. Foote évoque les causes réelles du démantèlement du réseau Prosper. Il écrit « La vérité est que la chute de Prosper, tragique comme le furent ses conséquences, fut imputable, en dépit de leur courage, à l'incompétence et aux imprudences des agents du réseau. Prosper avait grossi comme une boule de neige. Sa croissance même rendait la catastrophe certaine. Ce n'était plus qu'une question de temps ou de hasard, mais inévitablement, un des Français inexpérimentés récemment recrutés par le réseau devait tomber un jour ou l'autre entre les mains des Allemands, ou bien un autre devait changer de camp, ou encore les Allemands devaient bénéficier d'une indiscrétion. Et c'est bien ce qui s'est passé. » Et Foote de conclure assez cruellement, l'étonnant, en vérité, n'est pas que Sutil. Sutil, je vous rappelle, c'est Prosper qui a donné son nom au réseau. Que Sutil, donc, et ses amis aient été capturés. Mais bien que les Allemands aient attendu si longtemps avant de les capturer. Retrouvons M. X. Quand il revient en France, Prosper est persuadé que le débarquement va bientôt avoir lieu. Or, je vous le rappelle, nous ne sommes qu'en 1943. Retenez bien cette information, elle est capitale. Vous voulez parler de la conviction de Prosper au sujet de l'imminence du débarquement ? Oui, oui, oui. S'il le croit, c'est qu'on lui a donné des informations, n'est-ce pas ? Donc, dès son retour sur notre sol et malgré le danger, il redouble d'activité. À tous ses agents qu'il rencontre, il affirme que l'explosion est proche, qu'il faut se préparer à la guérilla. Malheureusement, 10 jours plus tard, fin juin, Prosper est arrêté. Trahi ? Certainement. Mais n'oubliez pas qu'à cette époque, les membres du réseau Prosper tombaient comme des mouches. Alors sans doute, l'un d'entre eux avait été retourné et il avait parlé. Alors Prosper, chef de réseau, hein, Prosper oui. Arrêté, que se passe-t-il ? Naturellement, la Gestapo l'interroge. Vous savez ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce que les Allemands veulent savoir ? Parce qu'après tout, si je vous ai bien suivi, ils n'ignorent plus grand-chose de ce réseau. Les premières questions portent sur la date du débarquement allié. Où et quand ? Ça veut dire qu'à ce moment-là, les nazis croient eux aussi au débarquement. Oui, incontestablement. Et Prosper parle ? Bien sûr que non. et son silence même est une information, vous comprenez. Alors soudain, les hommes de la Gestapo changent de tactique. Ils disent à Prosper qu'ils savent que des dizaines de tonnes de matériel ont été parachutées par les Anglais en vue de l'insurrection qui doit accompagner le débarquement. Si Prosper indique les lieux où sont cachés ces matériels, ces hommes seront libérés. Ça ressemble à un piège, ça. Évidemment, mais Prosper se dit que s'il y a la moindre chance de sauver des vies humaines, il faut la tenter. Et puis c'est un officier britannique, un gentleman, et il n'imagine pas un instant que d'autres soldats puissent renier leur parole. Alors, il accepte ce drôle de pacte d'honneur. Drôle de pacte, oui. Et les Allemands raflent le matériel parachuté par les Anglais. Exactement, des centaines de tonnes d'armes. Et naturellement, après avoir mis la main sur cet extraordinaire butin, ils envoient la plupart des femmes et des hommes du réseau Prosper en Allemagne, où la plupart finiront par être exécutés dans les camps. Contrairement au pacte, bien sûr. Oui, tout à fait. Et le réseau est donc complètement démantelé. Presque totalement, oui. Mais depuis le début, le réseau était condamné. Et ses membres étaient promis à la mort, je vous l'ai dit. Et Déricourt lui-même? Eh bien, lui, il s'en est sorti. Et quand l'un des adjoints de Buckmaster, le major Boddington, dont je vous ai déjà parlé, vient personnellement en France se rendre compte de l'importance du désastre, c'est Déricourt lui-même qui le prend en main. C'est-à-dire que le pilote a toujours la confiance de ses patrons anglais. D'ailleurs, bientôt, il va être rappelé en Angleterre. Sa mission en France occupée est terminée. Et après, que devient-il? Dès son arrivée en Angleterre, à noter d'ailleurs qu'il a eu l'autorisation assez exceptionnelle de partir avec sa jeune épouse. Il est d'abord logé par le SOE dans un grand hôtel, aux frais de la princesse donc. Et puis, curieusement, après quelques semaines, on le convoque devant un tribunal secret. Et pourquoi? On l'accuse? Si j'avais le cœur à plaisanter, je pourrais dire qu'on l'accuse d'abord d'être vivant, seul ou presque survivant du réseau Prosper, qui a eu 400 de ses membres arrêtés et déportés. Mais non, non. Ce qui intéresse ces accusateurs, ce sont ses liens avec le SD, le service de renseignement allemand. Mais vous m'avez bien laissé entendre qu'il avait noué ses contacts sur ordre. Oui, et je vais y revenir, mais en Angleterre, tout le monde n'était pas forcément au courant, si vous voyez ce que je veux dire. Et la comparution de Déricourt devant un tribunal secret ressemble bigrement à un règlement de compte entre services. Mais soyez plus clair. Bien, pour simplifier, je dirais que le contre-espionnage n'avait pas apprécié que l'intelligence service se soit servi de Déricourt. Voilà la vérité. Et Déricourt payait cette rivalité de sa personne. Il a été inculpé, condamné? Non. Non, il est tranquillement reparti vivre dans le meilleur hôtel de Londres, au Savoy. Et quelques temps après, l'agent très spécial, Henri Déricourt, était proposé pour le DSO, le Distinguished Service Order. Une distinction qu'on ne remettait qu'aux plus braves, qu'aux héros. Et qu'il proposait le général Manzi lui-même, c'est-à-dire le patron de l'intelligence service. Je vous le dis, je vais profiter de la vie. Malgré la météo qui nous promet quelques nuages, poser mes valises quelque part, marcher devant moi au hasard, chanter incognito au cœur d'un opéra sauvage. Moi qui cassais tout avec l'égoïsme fou d'un hippopotame, qui cherchait surtout derrière les claques et les coups un supplément d'âme. Libre aujourd'hui, je suis enfin le roi de rien. N'importe qui, tellement quelqu'un, le roi de rien. Je ne sais pas si vous savez, mais rien ne vaut la liberté. Cessons tous ces soucis, car il faut voyager léger. Comme un cerf aux abois, qui profitent des sous-bois avant la lavée. Je vais chaque nuit goûter les gouttes de pluie, l'eau de l'au-delà. Libre aujourd'hui, je suis enfin le roi de rien. N'importe qui, tellement quelqu'un, le roi de rien. J'ai retrouvé dans un remarquable ouvrage, La guerre secrète, écrit par Anthony Cave Brown et paru en 2 tomes chez Pygmalion, une relation de la parution de Déricourt devant ce tribunal secret. Brown assure que tous les chefs de Déricourt, ces chefs du SOE, dont Buckmaster et le major Boddington, sont venus témoigner de sa fidélité, de son courage, de ses aptitudes exceptionnelles. Et pour appuyer ses dires, le fameux colonel Buckmaster ajoute même, très mystérieusement, je le cite, « Je suis même prêt à parier gros que nous le découvrirons totalement innocent de tout commerce volontaire avec l'ennemi quand, plus tard, les nuages auront été dissipés. » En tout cas, le MI5, le MI5, obtint quand même d'empêcher Déricourt de reprendre du service hors des frontières de la Grande-Bretagne, ce qui, écrit toujours Brown, irrita au plus haut degré ses chefs du SOE. Mais retrouvons M. X pour la dernière partie de notre entretien. Déricourt n'en est pas resté là. Ce n'était pas dans son caractère. En 1944, il a combattu comme pilote de Spitfire. Et il a été abattu au-dessus du ciel de France. Grièvement blessé, il a reçu la croix de guerre et puis la paix, enfin, est arrivée. Et il a retrouvé son poste comme pilote de ligne Air France. Mais il était dit que vraiment, ce Déricourt n'était pas un homme comme les autres. Et en 1946, je crois, on le contrôle à Londres. Alors qu'il doit s'envoler pour Paris, en fouillant sa valise, on découvre de l'or, des billets de banque, en quantité. Et aussitôt, on l'accuse de contrebande. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle histoire? Je ne sais pas vraiment exactement. Sans doute un transfert de fonds effectué pour le compte d'un service secret. En tout cas, ce qui est remarquable, c'est que sa défense a été assurée par un des plus grands avocats anglais et que l'amende à laquelle il a été condamné a été payée par un inconnu. Bizarre, non? Mais Déricourt n'en avait pas fini pour autant avec la justice. Et cette fois, c'est en France qu'on lui cherche des poux dans la tête. Mais pourquoi en France? Parce que la police française a essayé de faire la lumière sur les activités des responsables du SD allemand. Et bien sûr, le nom de Déricourt apparaît dans le dossier. Oui, mais ça devait être facile pour lui de dire j'ai agi sur ordre en fréquentant des agents allemands. Non, parce qu'il ne peut pas dire la vérité. Une vérité qui ne lui appartient pas. Même 2 ans après la fin de la guerre, il s'agit vraiment d'un secret d'État. Ah, vous y venez quand même. Oui, il est temps. Déricourt était en fait la cheville ouvrière d'une formidable opération d'intoxication connue sous le nom de code Starkey. Le but, c'était en 1943 de faire croire à l'état-major allemand que les Alliés allaient débarquer dans le Pas-de-Calais et la région de Bordeaux. Pourquoi? Pour qu'ils dégarnissent leurs forces en Europe du Sud. Là où ils allaient réellement débarquer en cette année 43, c'est-à-dire à Salerne. En Italie. Et pour les intoxiquer, on se sert de Prosper, enfin de Prosper, du réseau Prosper, c'est ça? C'est malheureusement la vérité. Les résistants du réseau Prosper ont été encouragés à entreprendre des actions clandestines. afin de soutenir un débarquement qui n'était nullement prévu. C'est donc pour ça que vous prétendez qu'on les a envoyés sciemment à la mort. Oui, je vais même plus loin. Prosper et ses hommes ont reçu de fausses informations sur ce prétendu débarquement. Et les dirigeants des services secrets anglais, très cyniquement, avaient prévu que certains d'entre eux craqueraient lors des interrogatoires et livreraient ainsi à leurs tortionnaires le secret du débarquement. Mais Déricourt lui-même? Eh bien, on lui a fait jouer un rôle atroce. On l'a fait trahir sur ordre, oui. On l'a obligé à livrer Prosper en communiquant à ses correspondants allemands des informations sur le réseau. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi il ne pouvait pas dire la vérité devant le tribunal militaire français. Il a donc dû se laisser condamner? Non, car une dernière fois, ses amis anglais sont venus à son secours. Le major Buddington, toujours lui, a témoigné pour Déricourt. Et très solennellement, il a déclaré que si la guerre recommençait, oui, il n'hésiterait pas une seconde à faire de nouveau appel à Déricourt. Après ce témoignage décisif, les juges ne pouvaient plus qu'acquitter Henri Déricourt. Mais, et ça je ne peux pas l'oublier, près de 400 résistants avaient payé de leur vie le secret de l'opération Starkey. Difficile de vérifier. Aujourd'hui encore, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale garde jalousement ses secrets. Toutefois, je dois vous signaler que dans leur monumentale histoire de la résistance, Henri Noguer et Marcel de Guillam évoquent l'hypothèse de M. X sur une possible utilisation de la résistance à des fins d'intoxication des Allemands. Quant à Gilles Perrault, dans son magnifique livre sur le secret du jour J, il écrit, je le cite, « Londres n'ignore pas que l'organisation Prosper est à la dérive, comme les autres. Elle a voulu se faire aussi grosse que le bœuf. Elle en a oublié la règle du cloisonnement. Elle est pénétrée par l'ennemi. On sait que la trahison existe, mais on ne sait pas jusqu'où s'étend la gangrène. On conserve le contact, mais on est prudent. Dans le doute, on distille de faux renseignements. On parle de débarquer à l'automne 43. Ainsi, selon Perrault, les Anglais, quand ils ont compris que Prosper était un réseau infiltré, ont décidé de s'en servir cyniquement pour intoxiquer les Allemands. Et Perrault de conclure, il demeure que des hommes ont été délibérément sacrifiés. Je vous retrouve avec M. X samedi prochain.